F.A. Baby. Baby, baby, non more. Tu peux m'appeler baby, je fais capoter mes relations. Tu peux m'appeler baby, l'instru un côté qu'un riz. Faka faka baby, si je sors mon Glock, yeah, tu verras pas de vernis. Je veux caillasser les keufs pour qu'on m'appelle vermine. Je veux rouler vers mon destin, pourtant j'ai pas le permis. Coup de fil de la mort, mort, hors forfait de mes ennemis. Je fais du bruit dans ton quartier, tu peux m'appeler deux ennemis. Punchliner du rap game, tu peux m'appeler baby. Je l'ai déjà dit dans mer seul, je rappe en finir cinglé. J'ai vu toutes sortes de violences, tu peux m'appeler Sunday. Toujours froid comme la vengeance, tu peux m'appeler Sunday. Je graille tous ces MC, tu peux m'appeler Subway. Les quartiers m'appellent baby, les voyous m'appellent baby. Les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby. Le 9-3 m'appelle baby, les rappeurs m'appellent baby. Les potos m'appellent baby, dealer CFA baby. Les quartiers m'appellent baby, les voyous m'appellent baby. Les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby. Le 9-3 m'appelle baby. Les rappeurs m'appellent baby, les potos m'appellent baby. Dealer CFA baby. Si j'ai déjà bougé pour toi, tu peux m'appeler Sarbi. Mes punchlines te laissent dans le noir, tu peux m'appeler Tarmi. Vanessa est pas dispo, j'irai fourrer Wendy. L'argent pour ceux qui se lèvent tôt, je dois soigner mes insomnies. Capitale du crime, Cléta, je marque des esprits. FABVS l'État, tu peux m'appeler Mesrine. Je représente tous mes rapza, tu peux m'appeler Barbès. Je pense à gérer toute la thèse, tu peux m'appeler Barksdale. Si je casse les couilles à tout le monde, tu peux m'appeler Videur. Touche le cœur de tous les pauvres. Tu peux m'appeler Lidl. Je veux faire une photo de famille. J'appelle ceux qui sont pas dettes. Si la rue parle pas de moi, elle parle les de fraîche. Les m'appellent baby, les voyous m'appellent baby. Les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby. Le 9-3 m'appelle baby, les rappeurs m'appellent baby. Les potos m'appellent baby, dealer CFA baby. Le quartier m'appelle baby, les voyous m'appellent baby. Les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby. Le 9-3 m'appelle baby, les rappeurs m'appellent baby. Les potos m'appellent baby. Baby, dealer CFA baby. CFA baby, fuck l'amour, j'te l'ai dit. T'es lady, j'casse dédi. Frère, ce son, j'te l'dédi. CFA baby, fuck l'amour, j'te l'ai dit. T'es lady, j'casse dédi. Frère, ce son, j'te l'dédi. Les quartiers m'appellent, CFA baby, fuck l'amour, j'te l'dédi. Les petits m'appellent, les lady, j'casse dédi. Les dealers ce son, j'te l'dédi. Les 9-3 m'appellent, les rappeurs m'appellent. Les potos m'appellent, les lady, j'casse dédi. Frère, ce son, j'te l'dédi.